Europa y América. Bienvenido a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, la jungle des luttes. Bienvenue, c'est notre programme mensuel, comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Et éventuellement, du coup, quand on arrive à être à l'heure, à jour plutôt, on a un blog qui s'appelle donc La Jungle des Luttes, comme le nom de notre programme. Donc là, on a eu du mal à mettre le programme de janvier et de février, mais peut-être qu'en mars, on réussira à mettre les trois sur notre blog La Jungle des Luttes. Donc voilà, c'est un programme présenté par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, CSPCL. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue, merci de nous écouter. On est solidaires avec les apatistes au départ, ce qui veut dire surtout créer des ponts et des liens entre les luttes et essayer de se rencontrer, d'avancer ensemble pour créer un front de résistance à ce système capitaliste, patriarcal, machiste. Il y a beaucoup d'adjectifs. Et aujourd'hui, on parlera de beaucoup des femmes. C'est une question qu'il faut mettre sur le tapis, le féminicide, la résistance des femmes. Donc au Guatemala, on aura un collectif qui ne peut pas être présent, mais on aura la lecture d'un de ses communiqués suite à des jeunes filles violées dans un foyer, finalement, dont le foyer a pris feu et sont donc mortes, brûlées. Donc on aura également des copines du collectif Paris Ayotzinapa qui nous parleront de la visite d'une des mamans des disparues. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les disparus, les 43 étudiants disparus dont on a parlé au Mexique. Il y a déjà, c'était en septembre 2014, 43 étudiants arrêtés dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Et au jour d'aujourd'hui, les parents cherchent encore et se battent et se débattent. Et donc on aura la présence d'une maman prochainement en France. Donc on pourra un peu vous parler de ce qu'il en est à Ayotzinapa, au Mexique en général. Et on aime bien créer des ponts justement entre les luttes. Et on a Nursel Kili qui est avec nous, qui est d'un collectif, c'est la représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, un collectif qui a été créé en 2013 et qui a justement lui aussi pour objectif de pouvoir créer des ponts et transmettre la lutte et de permettre à ce que l'on connaisse ces femmes kurdes en résistance et donc de pouvoir créer des alliances avec d'autres collectifs de femmes. Donc on commencera justement avec Nursel et on finira ensuite avec le CPA et le collectif de Guatemala. Et on va faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet et donc on est ensemble jusqu'à 20h30. Zua erapiltzen dugu omentzeko eguzkia Beste zugarri perri zerre dituz ferriak Neuroz Alapiako goan Gernikak urduan Ez zer horren azkar Neuroz Neurozen zutean Zarrazkia virtua Ez zer horren azkar Kuskatzen du lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta odainak agerean Tonturaren zauri marrak orain dekirekiak Bestiaren agiak, bestuko duzu argiak Dukmatxek urdu Kanadia, Kurdistan, Kurd, Pirozekan, Neurozoha. I'm the Ben. Regi Neuroz. Regi Kurdistan. Regi Partia, Karkara, Kurdistan. Kojbar, Gerilla. Zua erabiltzen dugu omentzeko eguzkia Berekatzen zaitut eta lama ez da italia Autuko man jenden ontzako tokia Neuroz, alatxeagoan Gernika kurduan, ez zer horren azkar Neuroz, neuroz entzutera Zarrazkia bilduan Let us speak when we speak. We seem to make you weak. We sing a song, it makes us strong. You drive Turkey or bless a man. Your intimidation is plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Kurdistan, this country. 3 FPP, la jungle des luttes, on continue, on commence même surtout. Merci Nursel d'être avec nous. Merci à vous. Je te laisse la parole et donc nous raconter un peu ce que vous faites et puis bah, peut-être pas seulement ce que vous faites vous en tant que collectif, mais peut-être un peu nous resituer puisqu'on entend beaucoup parler des Kurdes, pas toujours... ça dépend des canaux d'information évidemment, donc on n'a pas toujours une bonne visibilité sur ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière cette lutte des Kurdes, et donc je te laisse la parole. Bah, merci de m'avoir invité à ce programme, et j'en profite justement pour juste après la musique qui vient de passer en fait de fêter le Nevroz. Le Nevroz, c'est le nouvel an. C'est le nouvel an sur nos terres au Moyen-Orient, en Mésopotamie et particulièrement au Kurdistan. Donc aujourd'hui, le 20 mars, la nuit du 20 mars qui passe au 21 mars, on va fêter justement le nouvel an kurde. Bravo Sylvana pour voilà. La petite trouvaille. Donc c'est super vraiment. J'en profite vraiment pour fêter le nouvel an, le Nevroz à tous les peuples du Moyen-Orient et aux gens qui nous écoutent. Voilà. Donc c'est vraiment le premier jour du printemps. Pour nous, c'est le nouvel an. Pour présenter brièvement notre association qui s'appelle la Représentation internationale du mouvement des femmes kurdes, c'est une association en fait qui a été créée en 2013 mais qui est issue de la lignée du féminisme ou de la lutte au féminin au Kurdistan, et cela qui existe depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a beaucoup d'associations kurdes en Europe, mais à Paris, c'est celle-là. Donc, à Paris, on existe depuis quelques années et on essaye de faire le pont entre justement ce mouvement des femmes kurdes qui s'est inscrit elle aussi dans la lignée du féminisme, qui a pris pour héritage en fait le féminisme et qui aujourd'hui essaye de construire un nouveau modèle de société au Moyen-Orient. Donc notre association, plus précisément, a le rôle d'être un pont entre les femmes du Kurdistan, des quatre parties du Kurdistan. Donc qui sont les Kurdes, qui sont les femmes kurdes. On va faire un petit bref résumé. Tout le monde le sait, hein, le peuple kurde a été divisé en quatre maintenant depuis des centaines et des centaines d'années, avec deux conventions, la convention de Sèvres, premièrement divisée en deux, et la convention de Lausanne divisée en quatre. Et aujourd'hui, tous les Kurdes de ces quatre parties du Kurdistan, qui sont situés en Syrie, en Turquie, en Irak et en Iran, vivent sous occupation depuis maintenant des centaines et des centaines d'années. Nous, les femmes kurdes, depuis plus de 40 ans, nous sommes mobilisées. Mais bien sûr que la résistance des femmes kurdes existe beaucoup bien avant, par l'intermédiaire de la transmission de la langue kurde, de la culture kurde, par les mères kurdes, mais aussi par beaucoup de femmes, des figures emblématiques dont Leila Kasumlo dans les années 60 et par la suite beaucoup d'autres femmes telles que Sakine Jansuz. Sakine Jansuz qui était l'une des trois femmes assassinées le 9 janvier 2013 en plein cœur de Paris. Donc ce mouvement est né vraiment du besoin d'émancipation, du besoin de s'identifier. Parce que d'ores et déjà, le peuple kurde étant un peuple qui lutte pour son existence depuis des années, a déjà un problème de reconnaissance au niveau d'identité nationale. Mais les femmes kurdes, elles ont aussi besoin de s'identifier en tant que femmes et pas seulement en tant que kurdes. Donc le mouvement des femmes kurdes, c'est vraiment une prise de conscience, c'est un réveil au sein d'une société. Continue de vivre sous différentes formes, sous différentes communautés, parfois conservatrices aussi, avec l'arrivée de religions fondamentalistes aussi dans la région, après l'Empire ottoman. Les Kurdes existent dans quatre parties du Kurdistan, mais existent aussi dans la diaspora, donc dans le monde entier aujourd'hui. Si on pouvait plus s'approfondir sur la question des femmes, comme je le dis, c'est vraiment une prise de conscience, connaître son histoire, connaître l'histoire des femmes, être consciente de l'identité, donc du genre, et s'impliquer dans la révolution, c'est-à-dire dans la révolution en tant que femme à part entière, prendre part dans les mécanismes de décision, prendre part dans le projet politique, mais prendre part aussi, et plus particulièrement, dans le projet de société. Donc ce mouvement qui a commencé à naître plus de 40 ans maintenant auparavant, s'est identifié à certaines figures, justement. Comme j'ai dit tout à l'heure, Sakine Jansuz était l'une d'entre elles. C'était l'une des cofondatrices du mouvement de libération du Kurdistan. Et dès la fondation du mouvement, elle prenait place dans le premier groupe, donc avec Abdullah Öcalan et ses autres camarades. Et donc là, on peut voir que les femmes sont partie prenante des décisions dès le début, donc dans les années 70, vers la fin des années 70. Et la première méthode de mobilisation et d'organisation, c'est vraiment d'approcher les femmes, de toucher les femmes directement sur le terrain, avec du travail de quartier, du porte-à-porte, sans distinction. Les mères au foyer, les femmes travailleuses, les femmes universitaires, sans distinction, vraiment, de toucher toutes les femmes de la société, pour leur expliquer qu'il est très important de prendre place dans cette lutte, dans cette révolution, et avant tout en tant que femmes, parce que les femmes sont la moitié de la société, et donc elles ont besoin d'être représentées à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, au niveau de l'éducation, au niveau culturel, dans tous les domaines de la vie. Donc Sakine Jansuz a joué un rôle très très important dans la fin des années 70, et pendant le coup d'État du 12 septembre 1980, le coup d'État en Turquie, où une vague d'arrestations s'est produite, où la majorité des forces révolutionnaires ont été incarcérées et ont subi les pires tortures qui puissent exister dans ce monde, dans la prison de Diyarbakir particulièrement. Et Sakine Jansuz, justement, était l'une de ces femmes, l'une des premières femmes politiques à avoir plaidoyé dans les tribunaux en Turquie, en tant que femme, mais aussi en tant que kurde au niveau politique. Et une des femmes aussi qui a subi les pires des tortures qu'on pourrait s'imaginer, inhumaines, dans les geôles de Diyarbakir, et sans vraiment qui a résisté jusqu'au bout, et qui, par cette résistance, en tant que Sakine Jansuz, en tant que femme, a provoqué une vague de mobilisation et de soulèvement populaire, a transpercé justement les barreaux de la prison de Diyarbakir et a su être la voix de la résistance dans les métropoles kurdes en Turquie, et donc qui a éveillé les soulèvements populaires d'abord en Turquie, au Kurdistan, et qui est devenue une légende vivante en fait des femmes kurdes, du mouvement des femmes kurdes, mais aussi du mouvement en général, donc de libération du Kurdistan. Pardon. Et justement, après ce soulèvement populaire, après cette vague de résistance, de révolution, les femmes, d'abord au Kurdistan de Turquie et après, petit à petit, au Kurdistan syrien, au Kurdistan iranien, mais aussi en Europe, ont commencé à s'organiser par des comités de femmes. Et donc, ont élaboré des questions principales, telles que la violence faite aux femmes, les droits sociaux, la formation, l'éducation, des femmes. Et petit à petit, elles ont commencé à se légitimiser, c'est-à-dire à s'organiser vraiment officiellement. Et cela en 1987, avec leur première association qui s'appelait l'Union des femmes compatriotes du Kurdistan. En 1987, cette association a été créée en Europe parce que la situation en Europe était beaucoup plus opportune pour que les femmes puissent s'organiser d'une manière plus facile, on va dire. Et donc, c'était la première organisation de femmes en 1987 ici en Europe, qui par la suite, en 1995, avec une délégation de femmes kurdes qui est partie à Pékin pour la rencontre internationale des femmes des Nations Unies. Et là, elles y sont allées en tant qu'Union des femmes libres du Kurdistan, en tant que GAJK. Et donc, c'était la première déclaration officielle du mouvement des femmes kurdes à cette époque-là. Mais bien sûr, en parallèle, il y avait dans les montagnes du Kurdistan, dès les années 1990, des premières unités de femmes qui ont commencé à s'organiser, se mobiliser indépendamment, donc des unités non mixtes au sein de la guérilla kurde. Et donc, c'était vraiment, vraiment la pratique de la théorie qui commençait à se construire sur les terres libres du Kurdistan, qu'on appelle les montagnes du Kurdistan. Et donc, par la suite, cette union, on va dire, que n'a pas suffi. Il fallait se mobiliser en tant que mouvement aussi, donc un mouvement au sein du mouvement, c'est-à-dire une révolution dans la révolution. Et Sakine Cansız, qui était sortie de prison après 10 ans d'incarcération, avait rejoint justement à cette époque-là les montagnes du Kurdistan. Et c'était l'une des fondatrices, en 1995 officiellement, du mouvement des femmes kurdes, qui continue d'exister aujourd'hui et qui continue d'exister et qui continue de on va dire, de se reproduire d'une manière différente dans les 4 parties du Kurdistan. Et donc, parallèlement à cela, il y a aussi les femmes qui se sont engagées activement dans la politique. Et là, on reconnaît la lutte de Leyla Zana dans les années 1990, 93, 94, au sein du Parlement turc. Donc, c'était l'une des premières élues députée kurde à la Grande Assemblée nationale de Turquie, et qui a été tout de suite après son élection incarcérée, elle aussi, 10 ans pour avoir juré solennellement dans sa langue maternelle en kurde, avec 15 de ses autres camarades députés du DEP à l'époque, donc du Parti démocratique des peuples. C'est étonnant tout ce parallèle qu'il y a avec justement les apatistes et les femmes et ce mouvement. Ce soulèvement et cette décision aussi des femmes est d'elles-mêmes pouvoir prendre des charges politiques et prendre leur place, comme tu le disais, dans la société, dans le monde qu'ils veulent construire, dans la lutte, dans la guerre, que prendre les armes ou pas, et de pouvoir justement décider de leur vie, de leur destin. Et du coup, c'est exactement, en plus, comme tu dis, les montagnes du Kurdistan, comme on a les montagnes du sud-est mexicain. Il y a d'ailleurs eu, dans le cadre du salon anticolonial, il y a eu une soirée qui a été dédiée justement à la lutte kurde, à la résistance kurde et celle des apatistes, puisqu'il y a aussi justement cette volonté de créer une autonomie sans vouloir prendre le pouvoir en tant que tel, même si on sait qu'il y a eu le PKK, des députés, des passages, justement, comme tu le racontes, mais la question étant surtout de pouvoir résister en tant que peuple, défendre son peuple, sa culture, son identité, son être, son savoir-vivre. Et donc, il y a beaucoup de parallèles, effectivement, entre ce qui se passe au Kurdistan et au Chiapas, et au-delà du Chiapas, avec tout ce qui a pu se mettre en place dans d'autres communautés indigènes, mais c'est rompre aussi avec la tradition. C'est-à-dire que du coup, la question de la place des femmes dans la société, ça veut dire aussi justement rompre avec une vision patriarcale, machiste, etc. Et une lutte au féminin. Tu voulais faire une petite remarque, on fait une petite pause musicale et on reprend, okay. Ou sinon... On peut faire la pause musicale. On fait la petite pause musicale. Vous êtes toujours sur FPP 106.3, c'est la jungle des luttes. Et donc là, c'est un petit morceau que Nursel nous a amené. Ben hep anneme bir şarkı söylerdim. Durduk bazen her evden geriye bir şarkıydı. Bazen geriye söylüyordum. Annem hem kızıyordu hem bir o kadar şöyleydi. Etkileniyordu bir de diyordu, valla sen şehit düşersin diyordu. Merak etme diyordu, öyle bir başı dik olacağım ki. Ondan sonra bazen de kızdığında diyordu, he. Dedi seni okusam sen dedi git falan. Sana hep söylerdim. Belki sözleri çok şey ama benim için çok anlamlı. Bir annene de yok etmiyor. FPP, la jungle des luttes, on continue avec Nercel et on était sur toute la possibilité que ces femmes ont montré depuis des années à s'organiser, à résister et, à... et donc on faisait la comparaison avec les femmes zapatistes dans ces montagnes du sud-est mexicain qui avaient porté la révolution et imposé leur première loi révolutionnaire de manière à pouvoir entrer dans une révolution, mais avant tout que ça se fasse avec elle et pour elle en premier lieu, en l'occurrence. Donc on peut continuer par là. En fait, la méthode en fait, de lutte des femmes, c'est vraiment la remise en question, vraiment la remise en question du rôle de la femme dans la société, mais aussi au sein de la famille. Donc vraiment de décoder tous les codes masculins du système patriarcal dont se sont imprégnés les hommes, mais aussi les femmes. Donc de remettre en question vraiment la mentalité patriarcale. Et donc c'était, quand je parle d'interrévolution, donc de révolution dans la révolution, c'est vraiment une lutte perpétuelle, une lutte mutuelle qui continue encore aujourd'hui. Donc c'est une lutte de tous les jours avec les femmes kurdes, donc contre tous ces codes masculins dont s'est imprégnée la société, dont s'est imprégnée les communautés conservatrices au Kurdistan. Et la méthode principale, en fait, c'était au sein de la lutte de faire une autocritique en fait de la personnalité, de vraiment s'interroger sur comment la personne, les femmes ou les hommes ont été éduqués justement au sein des familles qui ont existé depuis dans ce système patriarcal depuis plus de 5000 ans maintenant, vraiment de se délivrer de ces codes, vraiment pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir reconstruire une personnalité ou un caractère libre, délivré du système patriarcal ou des effets du système patriarcal. Et pour cela, il a fallu vraiment une analyse très, très particulière, comme je l'ai dit tout à l'heure, du rôle des femmes dans la société, mais aussi dans la famille directement. Parce que pour nous, les Kurdes, la famille, en fait, c'est la représentation un peu la famille, entre guillemets, la famille traditionnelle, c'est vraiment la représentation d'une force hégémonique ou d'une force patriarcale ou de l'État en lui-même. Parce que chacun a un rôle, c'est-à-dire le père a un rôle, le frère a un rôle, la femme a un rôle. Et vraiment, c'est vraiment de parcelliser ces rôles-là, ces rôles, ces idées reçues, ces rôles conçus, sans que la personne puisse choisir. Donc sans que la personne puisse avoir une force d'autodétermination, une liberté d'expression, ou vraiment se construire d'une manière libre. Toute cette marche, en fait, on peut interpréter ça comme une marche dans la lutte, c'était vraiment qui avait pour but vraiment principalement d'émanciper les femmes. Et donc cette émancipation des femmes, comme le dit le leader du peuple kurde Abdullah Öcalan, maintenant qui est incarcéré depuis 17 ans sur l'île prison d'Imrali en Turquie, comme il le disait si bien, et c'est un dicton qui est toujours valable aujourd'hui, et pour tout le monde, pas seulement pour les Kurdes, sans vraiment la libération des femmes kurdes, ou sans vraiment la libération des femmes dans les sociétés, aucune société ne pourra être libre. Parce que les femmes sont pour nous, on interprète ça, la première nation colonisée dans ce monde. Parce que ce sont les premières à avoir été colonisées aussi bien physiquement que dans les mentalités. Donc cette lutte, elle se base sur cette perspective-là, vraiment, de libération des femmes à tous les niveaux. Et comme je le disais tout à l'heure chronologiquement, petit à petit, après dans les années 90, pour justement renforcer cette force d'émancipation, les femmes kurdes ont créé, se sont basées sur une idéologie, l'idéologie de libération des femmes kurdes dans les années 90, vers la fin des années 90, et cela en créant une théorie, c'est la rupture du genre. C'est-à-dire quand on parle de rupture du genre, ça veut dire rompre avec justement ces codes, rompre avec ces codes masculins, ces codes patriarcaux. Et pour cela, il a fallu aussi une rupture physique pour s'interroger, pour se retrouver en tant que femme à part entière et justement pour réfléchir à comment intégrer les femmes ou comment faire à ce que les femmes puissent être partie prenante de ces mécanismes de décision au sein de la lutte d'abord et dans les postes politiques par la suite, cette lutte qui a aujourd'hui porté ses fruits. Quand on regarde ce qui se passe au Rojava actuellement, au Kurdistan de Syrie, quand on regarde ce qui se passe au Kurdistan de Turquie aussi, qu'on appelle le Bakour, quand on observe la position des femmes maintenant dans les postes politiques, quand on observe maintenant la position des femmes dans les luttes sociales, on voit que cette lutte a porté ses fruits parce que ça se reproduit comme système de coprésidence où les femmes sont représentées vraiment égales aux hommes dans tous les domaines, donc dans les assemblées populaires. Vous, comme vous avez dit aux Apatis, c'était des assemblées de village. Là, ce sont des assemblées populaires, vraiment des assemblées populaires où les femmes sont représentées vraiment d'une manière égale aux hommes. Et dans les assemblées populaires non mixtes aussi, parce qu'il y a des assemblées populaires de femmes. Donc les femmes, à tous les niveaux, sont égales aux hommes par ce système de coprésidence, aussi dans les partis politiques, où aujourd'hui, malheureusement, le HDP, le Parti de la démocratie des peuples, qui avait été élu avec 6 millions de voix pendant les dernières élections de novembre et de juin 2015 et 2016. Donc c'était vraiment un parti qui prenait justement ce projet de société, qui prenait la liberté, la démocratie, qui prenait la vie en harmonie, les cultures en harmonie, les croyances en harmonie, la représentation de toutes les parties de la société, aussi bien les femmes que la LGBT, que les croyances. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de députés sont derrière les barreaux après la vague d'arrestation, la vague de fascisme que propage Erdogan, et dont les coprésidents, donc Selahattin Demirtas et Biken Yüksekdağ, qui représentaient justement cette parité, cette démocratie, ce nouveau projet de société, ce nouveau modèle de société. Ce modèle de société au Rojava s'est instauré après la révolution de 2012, donc du 19 juillet 2012. Et aujourd'hui, au Rojava, il y a un système d'autonomie démocratique où il existe encore une fois cette représentation à part égale des femmes à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau social, dans les municipalités avec des co-maires, dans les gouvernements cantonaux avec deux présidents, donc avec la coprésidence d'une femme et d'un homme, mais aussi, pas simplement des Kurdes, mais de différentes ethnicités. C'est-à-dire qu'au Rojava, maintenant, vous voyez qu'il y a la représentation de toutes les ethnicités de la région, donc des Assyriaques, des Arméniens, des Turkmènes, mais des Kurdes aussi. Donc c'est vraiment un mécanisme de décision basé sur un collectif, basé sur le collectivisme et aussi sur le consensus. Et tout cela provient justement de cette lutte qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, où les femmes jouent un rôle très très important. Et cela, on l'a vu aussi dans le domaine de l'autodéfense. Et c'est là qu'on a vu, qu'on a vraiment connu le peuple kurde, c'est après Kobané, en fait, la bataille de Kobané, où on a vu ces femmes avec les Kalachnikovs sur le dos qui combattaient au prix de leur vie contre Daesh, contre l'organisation de l'État islamique, et qui continuent encore dans les terres du Rojava à combattre cette organisation, mais aussi au nord de l'Irak, à Sinjar. Et donc, pour parler de cette lutte d'autodéfense, c'est une autodéfense, oui, par la lutte armée, mais en même temps, ces femmes qui portent cette Kalachnikov sur l'épaule ne portent pas simplement une Kalachnikov, elles portent justement cette résistance qui dure depuis 40 ans. Elles portent une idéologie, toute une construction. Et c'est cette conviction qui les pousse au prix de leur vie à combattre contre l'ennemi de l'humanité. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir une arme à la main, c'est vraiment cette conviction idéologique qui représente pour elles leur émancipation, qui représente pour elles la libération des peuples du Moyen-Orient, qui les porte d'une manière aussi claire et déterminée à combattre l'ennemi. Donc, et la menace principale, justement, de l'État islamique, enfin, c'est-à-dire que la menace pour l'État islamique, c'est justement cette conviction, résistance. C'est cette résistance. Et le fait que ce soit des femmes, c'est encore pire. Humiliation. Voilà, donc c'est une humiliation, parce qu'ils infériorisent les femmes, ils continuent à enlever des femmes, particulièrement les femmes yézidis au nord de l'Irak. Plus de 2000 femmes encore sont encore entre leurs mains, sont séquestrées, sont mariées de force, sont exécutées, sont excisées. Elles n'ont pas tout à fait le même traitement en tant que résistante qu'un homme. Il y a toujours ce même. C'est une honte pour eux d'être tués par une femme, parce qu'ils n'iront pas au paradis. Pour eux, c'est ça. Et donc, c'est une menace idéologique pour Daesh d'avoir des femmes qui luttent contre eux. Comme ça, d'une manière aussi acharnée, d'une manière aussi déterminée. C'est une menace. Les femmes sont une menace idéologique. Mais ce n'est pas seulement contre Daesh, c'est aussi contre le régime dictatorial d'Erdogan, parce que les femmes mobilisées et organisées représentent un danger pour la souveraineté du régime dictatorial d'Erdogan. Parce que Erdogan veut revenir en arrière, veut revenir à la période de l'Empire ottoman, où les femmes sont encore infériorisées, où elles servent simplement à servir simplement. Et à être une figurante dans la société et non pas une actrice de la société. Et donc, encore une fois, pourquoi il y a tant de femmes qui se font arrêter? Pourquoi il y a encore des femmes qui se font exécuter dans la voie publique au Kurdistan de Turquie? De ce danger, justement, de cette menace idéologique. Parce que c'est une idéologie progressiste et c'est une idéologie qui a le pouvoir, qui porte le pouvoir de démocratiser, justement, la Turquie, qui porte le pouvoir vraiment d'apporter l'égalité, la parité, la démocratie, vraiment la liberté d'expression, la liberté de s'organiser, de manifester, et un autre projet de société que celui qui existe actuellement en Turquie. C'est en fait peut-être plus les femmes dans le Kurdistan turc qui sont les plus mobilisées aujourd'hui, où il y a aussi des mobilisations de femmes kurdes dans les autres. Bah, au Rojava, actuellement, c'est elle qui porte le drapeau. Ouais. On va dire, c'est elle qui porte le drapeau à tous les niveaux. Donc elles sont à l'avant sur le front contre l'ennemi. Elles sont représentées, comme j'ai dit tout à l'heure, à tous les niveaux, dans les municipalités, dans les gouvernements cantonaux, dans les assemblées populaires. Il y a beaucoup d'organisations de femmes, d'associations de femmes aussi qui existent dans les trois cantons du Rojava, donc à Jizre, Afrin et Kobané. Et donc actuellement, ce sont les premières actrices de ce système révolutionnaire qui est devenu un acteur très très important dans la démocratisation de la Syrie en elle-même aussi. Et les femmes au Kurdistan de Turquie, bien sûr, sont une force de démocratisation aussi, sont à l'avant de la révolution en Turquie. Cette révolution maintenant, aujourd'hui, qui veut être encore une fois, encore une fois, comment on peut dire ça ? Ouais, réprimée par les forces turques en Turquie. Et dans les autres régions, encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont à l'avant aussi en Iran, et en Irak. Et aujourd'hui, vous avez les forces de l'YBS qui sont des femmes yézidis qui ont pris les armes aujourd'hui pour combattre Daesh. Ces femmes qui ont réussi à fuir des mains de Daesh, qui ont réussi à fuir de ces bazars du sexe, qui ont réussi à fuir de l'esclavagisme de Daesh, ont décidé de prendre les armes contre Daesh, ont décidé de s'auto-organiser à Sinjar même, donc dans les montagnes de Sinjar, mais aussi dans la ville, en tant que d'unité d'autodéfense, mais aussi en tant que d'assemblée populaire, en tant que mouvement de femmes. Voilà. On fait une petite pause musicale avant de nous quitter. On retrouvera tout à l'heure les copines du CPA qui sont arrivées. شبان بز نچراندی اوینانای توینانای چاورشینانای داریکاو مالاو دبودینه اوینانای توینانای بن خوشینانای ای خورا حقی خونه بینه اوینانای توینانای چاورشینانای ای خورا حقی خونه بینه اوینانای 6.3, la jungle des luttes, FPP. Donc, on finit avec Nursel qui était venu nous parler, enfin, qui est venu nous parler de cette lutte des femmes du Kurdistan. Et donc, avec tout ce grand mouvement qui dure depuis 40 ans et qui continue, et avec toute sa part d'assassinat, de répression, d'emprisonnement, etc. Je te laisse finir. Pour terminer, je veux dire que on est vraiment, en tant que mouvement des femmes kurdes, en tant que femmes kurdes qui militent partout dans le monde, nous, depuis justement, enfin, ces années de lutte nous ont appris à sortir du discours de victime. Donc on est peut-être des victimes, mais des victimes qui luttent, donc une force de résistance. Et cela, on l'a appris justement, on l'a appris De certaines femmes qui étaient vraiment en position de leader du mouvement des femmes kurdes, et donc l'une d'entre elles que j'ai évoquée au départ, Sakine Cansız, pour revenir justement à ce triple assassinat qui a été perpétré le 9 janvier 2013 en plein cœur de Paris. Pour terminer, je voudrais m'appuyer sur cette affaire qui nous porte à cœur et qui dont le procès devait avoir lieu le 23 janvier dernier, mais qui n'a pas eu lieu pour cause du décès du meurtrier Ömer Güney en prison. Le procès a été annulé, mais pour nous, c'est une affaire qui continue et qui doit être élucidée. Et pour nous, c'est le devoir de la France de porter lumière sur cette affaire. Mais aussi le devoir de toutes les forces progressistes, vraiment, d'être solidaires pour l'élucidation de cette affaire. Parce que, comme vous le savez, la France est un pays, malheureusement, un des pays des crimes politiques qui ne sont jamais élucidés. Parce qu'avant cette affaire-là, il y en a eu 25 des crimes politiques qui ont été commis sur le sol français, mais qui n'ont jamais été élucidés. Là, j'en profite pour commémorer aussi du 6 septembre, l'affaire Ben Barka, les Tamouls, les leaders aussi des Tamouls qui ont été aussi à 200 mètres du bureau d'information du Kurdistan où ont été assassinés nos camarades, ont été eux aussi assassinés. 2 mois avant le 9 janvier 2013, donc en novembre 2012. Et donc c'est une affaire, en fait, qui si nous arrivons à avoir un tribunal, avoir un procès qui pourra porter lumière peut-être aux autres crimes qui ont été perpétrés en France, qui pourrait être un exemple, en fait, continuer à combattre justement pour l'élucidation de ces crimes politiques sur le sol français. Deux de ces trois femmes, dont Sakine Cansız et Fidan Doğan et Leyla Şahilemez, ces trois femmes, en fait, représentaient pour le mouvement des femmes kurdes les trois générations de lutte. Sakine Cansız, qui était l'une qui était fondatrice justement du mouvement des femmes kurdes, Fidan Doğan, qui était la voix du peuple kurde en France, mais aussi au niveau européen. C'était une figure emblématique de la diplomatie kurde qui portait la voix des Kurdes dans les institutions européennes, mais aussi auprès de l'opinion publique, auprès des mouvements progressistes, auprès des associations, des féministes en France et en Europe. Et Leyla Şahilemez était la plus jeune des trois, et elle militait dans la jeunesse kurde. Donc c'était vraiment trois générations qui ont été visées par ce triple assassinat, vraiment le cœur de la résistance des femmes kurdes qui avait été visée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous continuons en tant que femmes kurdes, nous prenons la relève en tant que femmes kurdes pour être la voix justement de ces femmes, prouver que ces femmes vivent encore, la mémoire de ces femmes vivent encore et continueront à vivre. Donc on veut vraiment avoir une grande mobilisation autour de cette affaire qui continuera tant que justice ne sera pas faite. Merci beaucoup. Peut-être que tu peux nous donner des informations, justement, s'il y a des gens qui veulent se joindre à vous, avoir des informations. Oui, on a une page Facebook. Ils peuvent nous retrouver aussi sur Internet, retrouver nos coordonnées sur Internet, donc représentation internationale du mouvement des femmes kurdes. la page Facebook, ce sont les initiales de notre association, donc ils retrouveront IRKWM en anglais. Et donc, on va avoir un site très bientôt aussi sur le web. Donc, c'est possible de nous retrouver comme ça sur les réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup pour ta présence et bonne continuation à vous. Bravo aussi merci beaucoup à toutes ces femmes en lutte. Merci beaucoup. On va faire une micro petite pause musicale le temps que les prochains invités puissent rentrer dans le studio. Ben, merci beaucoup, Nircel. On aura l'occasion sans doute de te réinviter, toi ou d'autres copains, copines de Kurdes. Merci à vous de m'avoir invité et bonne continuation pour le programme de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Petite pause. La jungle des luttes, donc on continue notre programme, donc on quitte le Kurdistan pour aller pas forcément dans les montagnes du sud-est, mais un petit peu plus haut, montagne du Guerrero, et donc Ayotzinapa notamment, et la disparition de ces 43 étudiants dont on a pas mal parlé, c'était en septembre 2014. Et donc depuis, finalement, peu de choses ont avancé, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé ces étudiants. Par contre, il s'est passé énormément de choses et il continue de s'en passer. Donc il y a les copines du collectif de Paris Ayotzinapa qui sont là aujourd'hui pour nous en parler et nous donner un petit peu aussi les nouvelles des prochaines activités aussi. Donc on vous laisse la parole et merci d'être là avec nous. Oui, cool. Merci à toi de nous inviter. Et bonsoir, nous on vient de la part du collectif Paris Ayotzinapa et en fait on vient surtout pour annoncer une action qui va se dérouler dimanche prochain, donc le 26 mars à partir de 15h à la Fontaine des Innocents, métro Châtelet. Et donc, en fait, tout ceci dans le cadre d'Ayotzinapa, de ce cas où justice n'est pas encore faite et où on commémore les 30 mois de disparition de ces 43 étudiants. Donc, juste pour donner un peu de contexte, en fait, ce qui s'est passé lors d'Ayotzinapa, en fait, c'était le soir du 26 septembre 2014, où la police municipale a attaqué des étudiants de cette école normale rurale, qui a une longue trajectoire de militantisme dans un état, le Guerrero, qui est très pauvre et qui est aussi l'épicentre de l'héroïne au Mexique. En fait, le Guerrero est le deuxième producteur d'héroïne au monde. Et donc, en fait, pendant ce soir où des étudiants avaient pris des bus pour aller se manifester pour le 2 octobre, pour la marche du 2 octobre 1968. En fait, la police est arrivée, il y a eu un gros bilan de 6 personnes tuées, une vingtaine de blessés, dont un des étudiants est toujours dans le coma et 43 étudiants disparus. Et, On rappelle que le 2 octobre 68, ça a été le massacre d'étudiants au Mexique, ce qu'on a appelé la place Tlatelolco, où il y a eu des centaines d'étudiants assassinés, donc une répression. Et donc c'était une fête, une commémoration qui a lieu chaque année. Et là, il se préparait justement à collecter de l'argent pour se rendre à cette marche, à préparer cette marche du 2 octobre. Exactement. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le... Oui, pour un petit peu plus de contexte. Et oui, ceci montre comment eux, ils étaient déjà organisés politiquement. Et ce soir où ces 43 étudiants ont été disparus par la police, ça a vraiment déclenché un mouvement social au Mexique, mais aussi à l'international. Et donc on a commencé à s'organiser ici. Et puis tout ceci dans un contexte aussi où le gouvernement fédéral a mené une enquête qui était vraiment pleine d'incohérences et d'obstructions. En fait, le gouvernement a défendu une vérité historique, qui est donc une version où ces étudiants auraient été disparus et assassinés par un groupe criminel qui est le Guerreros Unidos et qui aurait été brûlé à la déchetterie de Cocula. Et en fait, il y a une équipe argentine d'anthropologie médico-légale qui a par exemple prouvé que les ossements retrouvés n'appartenaient pas à ces 43 étudiants. Et donc, à partir de ça, l'école normale rurale d'Ayotzinapa, les parents, les étudiants se sont organisés, ont fait appel à la CIDH et pour avoir un groupe interdisciplinaire d'experts indépendants pour qu'ils puissent eux aussi suivre l'enquête que faisait l'État. Donc, montrer toutes les incohérences qu'il y avait, surtout par rapport au fait que le gouvernement veut vraiment faire de cette affaire quelque chose de local, qui concerne seulement le président municipal et la police municipale, alors que juste à côté où les étudiants ont été attaqués, il y avait un système d'information, le C4, où on voit bien comment l'armée pourrait être impliquée parce qu'elle était au courant de ce qui s'était en train de passer. Donc, dans tout ce cadre, des collectifs se sont organisés aussi en Europe. Et donc, par exemple, on peut voir ceci par l'Eurocaravane, qui est né par un festival international de résistance et rébellion, ceci au Chiapas, où les zapatistes ont invité les parents d'Ayotzinapa à ce festival. Ils ont proposé de lancer une campagne internationale, de faire une tournée. Et par exemple, nous, ici, des collectifs à Paris, on s'est organisés et on a pu accueillir des étudiants, un représentant de Tlatchinoyan et aussi un père Latinoyens, c'est l'organisme de droits humains qui a mené aussi l'enquête auprès de la CIDH. Et donc, c'est dans ce contexte que nous venons pour vous inviter au grand rassemblement de ce dimanche 26 mars. Pour nous, c'est très, très, très important parce que nous sommes tous concernés par les violences d'État, par les violences policières, que ce soit au Mexique, mais que ce soit en France aussi. Et donc, 3 mois après la disparition forcée, comme on vient de le rappeler, le 26 septembre 2014 à Iguala, de 43 étudiants de l'école normale rurale. Et surtout, c'est à l'occasion de la venue de Maria de Jesús Tlatempa Bello, qui est la mère de José Eduardo Bartolo Tlatempa, l'un des 43 étudiants disparus, qui va être avec nous ce jour-là, ce dimanche 26, devant la Fontaine des Innocents. Mais aussi, nous allons accueillir à Alfredo López Casanova, qui est lui membre du collectif Traces de la Mémoire, Huellas de la Memoria, qui va nous accompagner ce jour-là. Donc, et on rappelle que ce rassemblement, c'est pour commémorer les 6 morts d'Iguala, nos 43 camarades disparus aux mains de la police et de l'armée mexicaine. Mais c'est aussi pour soutenir la lutte des parents d'Ayotzinapa, de cette lutte aussi qui est celle de toutes les familles mexicaines qui se battent pour la vérité et la justice face aux mensonges du gouvernement mexicain, dont on vient de rappeler un peu en grands traits. Mais c'est aussi un appel pour dénoncer les violences d'État et l'impunité policière qui s'est construite ici comme là-bas, autour d'une même logique, c'est-à-dire la logique de la répression des mouvements sociaux, la militarisation des forces de sécurité, la criminalisation des victimes et de leurs familles. Ce rassemblement se veut donc ouvert, pluriel et participatif. Alors, c'est pourquoi nous voulons inviter tous les collectifs qui se sentent concernés, tous nos amis en lutte contre les violences policières, tous ces collectifs, s'ils souhaitent venir prendre la parole, partager avec nous leurs témoignages, ils sont invités. Ça commence à 15h. Et on va prendre. 15h, donc dimanche prochain, le 26. 15h jusqu'à 19h, peut-être 20h, 19h. Et donc, si vous souhaitez venir prendre donc, c'est la Fontaine des Innocents, c'est-à-dire, il faut situer, parce que tout le monde ne connaît pas la Fontaine des Innocents, c'est au Hall. C'est au Hall, oui. C'est au Hall, donc l'adresse à Paris. Donc, c'est la place qu'on Joachim trouve Dubélé. À la sortie du forum des Halles, on la retrouve. Et on a déjà fait des activités là-bas, donc l'idée c'est d'occuper l'espace et de pouvoir discuter, témoigner, que tout le monde puisse venir apporter son témoignage, qu'on puisse aussi donner surtout la parole à cette mère de famille, à ce parent, et donc de pouvoir aussi donner à celle d'autres familles, comme la manifestation d'hier, où je pense que c'est important pour les familles de pouvoir parler et de souffrir. Avec nous, puisque voilà, elle souffre encore, les années ça s'effacent pas, le temps suffit pas à effacer la peine, notamment quand il s'agit de violence contre la justice, enfin de violence policière ou de justice jamais rendue, en fait, surtout la question aussi de la justice. Aussi, en fait, ce qui est intéressant du cas Ayotzinapa, c'est que ça a vraiment déclenché tout un mouvement social. Mais que aussi c'est la pointe d'un iceberg. En fait, la disparition forcée est quelque chose de très courant au Mexique. En fait, officiellement, l'État reconnaît qu'il y a 30 000 personnes, plus de 30 000 personnes non localisées. Et en fait, le chiffre réel pointe plus vers les 100 000. Enfin, l'État serait en train de donner seulement un tiers du recensement. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi pour nous d'avoir Alfredo López Casanova, qui est un sculpteur, et qui, en fait, que là, l'exposition de Traces de la Mémoire est dans une tournée européenne. Elle a été présentée au Mexique, en Amérique du Sud, et maintenant, elle vient en Europe. Et c'est dans ce cadre que la mère aussi de cet étudiant, il vient avec nous. Et donc, peut-être que tu peux raconter un peu ce que c'est cette exposition. Oui, bien sûr. Donc, en fait, l'exposition, c'est Et en fait, c'est une démarche participative qui a commencé ce sculpteur et que puis ça a été repris par tout un collectif qui s'appelle Huellas de la Memoria. Donc le sculpteur, il recueille des chaussures de personnes qui cherchent leurs disparus. Et donc, avec, dans ces chaussures, lui, il grave les semelles. Dans les semelles, il grave l'histoire, par exemple, un message de cette personne qui cherche les disparus, et depuis quand il est disparu, et peut-être un message pour son disparu, quelque chose de vraiment personnel et émotionnel. Et donc, après, ce message qui est gravé dans les semelles est imprimé sur des feuilles. Et donc, avec les chaussures et avec ces impressions, le collectif, il fait une sorte d'installation. Par exemple, les chaussures seraient pendues du plafond et donc le spectateur peut se déplacer, voir les chaussures, lire ses empreintes. C'est pour ça qu'on appelle le trace de la mémoire. Et lire ses empreintes et aussi voir des vidéos qui sont projetées de témoignages, des photos qui sont très belles. Et en fait, cette exposition se veut comme... se veut vraiment comme un monument à la mémoire des disparus. Et donc, c'est, en fait, maintenant, il recueille des chaussures non seulement du Mexique, mais aussi des disparus d'Argentine il y a fin des années 70. Donc, c'est vraiment devenu un monument populaire de mémoire. Et en fait, nous, on a le plaisir d'accueillir cette exposition à Paris et dans le cadre d'une semaine mexicaine au DOC. Le DOC, qui est un lieu artistique qui se trouve au 26 rue Docteur Potin, au 19e arrondissement, donc à côté du métro Télégraphe. Et là, on va se permettre de vous présenter un peu cette semaine mexicaine. Oui, donc c'est dans le cadre donc plus large de cette campagne internationale contre la disparition forcée au Mexique que l'exposition s'insère, que cette exposition au DOC s'insère. Et au programme, il y a notamment 3 jours bien, bien importants où vous êtes tous bien invités. C'est donc 2 samedis et 1 dimanche. C'est le samedi 1er avril. Le samedi 1er avril, nous avons le vernissage de l'exposition, mais avant cela, il y a une pièce de théâtre de la compagnie Il Palinsesto, qui est mise en scène par Stéphanie Colombo. La pièce de théâtre va commencer à 16h, le samedi donc 1er avril au DOC. Et ensuite, nous allons avoir une conférence de presse. Bon, il va y avoir des temps d'échange et des respirations après la pièce de théâtre, cette pièce de théâtre qui s'appelle Los 43, qui est vraiment super, il faut absolument pas la rater. Et ensuite, donc, il y aura une conférence autour des disparitions forcées, et une rencontre donc avec l'artiste ainsi qu'avec la maman, avec Alfredo López Casanova et avec María de Jesús Tlatempa. Ça, c'est à 19h, donc le samedi, c'est une belle journée, assez chargée, et on vous attend très nombreux. Et voilà, donc après... de l'autre samedi dont on voudrait vraiment mettre l'accent, c'est le samedi 8 avril. Et là aussi, nous allons avoir à 16h une lecture mise en scène théâtrale. C'est Chaîne de montagne de Suzanne Lebeau. Ça commence à 16h et nous allons avoir ensuite un documentaire à 18h. Le programme est encore en train de se définir, mais il y aura trois courts-métrages qui vont être diffusés autour de la disparition forcée, mais aussi autour de la problématique des migrants au Mexique. Et voilà, et surtout, on va fermer ce beau samedi 8 avril avec un concert à 20h30. Et le nom du groupe et tout le reste, nous allons bientôt tout vous confirmer. Et c'est pourquoi nous vous invitons à ne pas perdre le fil sur Facebook ou bien sur notre page. Nous allons tout de suite après vous donner tous les renseignements. Comme ça, vous allez être bien au courant de toutes les activités qu'on va vous proposer dans le cadre de cette semaine au DOC et notamment ces 3 journées des festivités. Et donc, je termine avec le dimanche 9 avril. C'est la dernière, le finissage de l'exposition. Et là, nous allons avoir une pièce de théâtre. Elle s'appelle « Les filles de 3 et demi », cette pièce de théâtre de Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio.

106.3, la jungle des luttes. On continue, on est avec les copines du collectif Paris Ayotzinapa. Je vous redonne la parole. Oui, merci. Bon, juste pour vous rappeler ce qu'on vient juste d'annoncer, c'est que dimanche prochain, enfin ce dimanche 26 mars à 15h à la Fontaine des Innocents, donc à la place Joaquin du Bellay, juste en dehors les Halles. Et en fait, on va commémorer les 30 mois d'impunité suite à la disparition forcée de 43 étudiants d'Ayotzinapa. Et aussi, c'est une invitation ouverte au collectif contre la violence policière, contre la violence d'État, contre toute impunité et justice. On vous invite à venir prendre la parole. Et d'ailleurs, un des collectifs qu'on a invité et qui vont prendre la parole, c'est en fait un groupe de collectifs qui, maintenant, ils se sont mobilisés dans le cadre d'une tragédie qui a eu lieu ce 8 mars, d'ailleurs la journée internationale des femmes, où en fait 43 filles, 43 mineurs entre 14 et 17 ans ont été brûlées. Et donc on parle vraiment d'un féminicide d'État ou d'un féminicide institutionnel. Là, je vais vous raconter un petit peu plus du 4, mais d'ailleurs, ces collectifs, c'est Agrupación Chapines en París, Collectif Guatemala Paris, Collectif de solidarité avec le Guatemala à Toulouse et Alerta Feminista, Alerte Féministe. Et en fait, ces collectifs ont lancé un communiqué, donc je vais me permettre de lire quelques paragraphes pour vous contextualiser exactement qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars, donc cette journée internationale de la femme, où il y a eu un féminicide d'État et que jusqu'à maintenant, on compte 43 décès, qui d'ailleurs est une coïncidence assez brutale avec les 43 étudiants d'Ayotzinapa. C'est pourquoi ça nous touche vraiment en tant que collectif Paris Ayotzinapa et on voudrait vraiment leur donner la place lors de ce rassemblement ce dimanche. Donc je vous lis un peu de ce communiqué. Donc la phrase d'introduction, c'est « L'enfance ne se touche pas, ne se brûle pas, ne se viole pas et ne se tue pas pour la vie digne que nous désirons et que nous méritons. Les citoyens guatémaltèques, les personnes solidaires de différentes nationalités, les associations, groupes et collectifs installés en France, signons ce communiqué dans le but de faire connaître notre condamnation des faits qui se sont produits mercredi 8 mars dans le foyer pour mineurs Hogar Seguro Virgen de la Asunción au Guatemala. En effet, à la suite de la fugue de jeunes filles et garçons qui étaient hébergés dans ce foyer et qui contestaient les abus qu'ils subissaient, un incendie est survenu dans le foyer, laissant 52 jeunes filles brûlées vives, parmi lesquelles on décompte pour l'instant 43 décès. Ce foyer, inauguré en 2010, devait être un refuge pour les mineurs vulnérables tels que les bébés abandonnés, les enfants rescapés victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, les enfants avec des problèmes d'addiction aux drogues, les enfants ayant purgé des peines de prison sans domicile à leur sortie, les enfants légèrement handicapés mentalement et les enfants des rues. Ces enfants dénonçaient depuis 2014 les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivaient en raison de l'insuffisance des infrastructures, d'une mauvaise alimentation, par le manque de soins médicaux, l'emprisonnement, la torture, le viol physique et psychologique, la prostitution, le cas de grossesse forcée et la traite. Malgré cela, loin de garantir les droits et la protection de ces jeunes, l'État guatémaltèque est devenu complice de cette tragédie en ignorant les plaintes réitérées de jeunes de ce foyer et des recommandations du Bureau du procureur des droits humains et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui avait déjà conseillé la fermeture de cet abri pour mineurs du fait de leur manque de moyens pour les accueillir et protéger les enfants et les adolescents victimes de mauvais traitements. En fait, ce qui s'est passé, c'est assez révoltant. Ça faisait des années que les filles et les garçons qui étaient hébergés dans ce foyer dénonçaient des abus. Et en fait, une cinquantaine de filles ont tenté la fuite plusieurs ont été ramenées par la force, par la police nationale civile. Et donc, ces filles qui ont été ramenées par la force ont été enfermées à clé. et pendant 2 jours dans vraiment une petite chambre, sans assainissement, sans nourriture. Il y a eu un incendie et en fait, il y a 52 filles brûlées et jusqu'à aujourd'hui, on décompte 43 mortes. Donc, c'est vraiment important ce qui vient de se passer, surtout sachant que ce foyer était construit pour 400 personnes et qui continuait d'héberger 800. Donc, vous pouvez imaginer les conditions déplorables. Et donc, ceci fait vraiment écho à Ayotzinapa et d'autant ça apporte une dimension de genre aussi parce que Ayotzinapa c'était tous des étudiants hommes et ici c'est toutes des filles qui ont été brûlées. Et donc enfin ces 4 collectifs ont écrit un communiqué et d'ailleurs je vais lire aussi les exigences qu'ils présentent dans ce communiqué. Donc, tout d'abord, ils dénoncent l'indignation qu'ils ressentent face à l'incapacité de l'État, qui est demeuré silencieux et sans réponse malgré les nombreuses plaintes qui dénonçaient la traite des enfants, les viols et les grossesses d'adolescentes qui étaient sous leur responsabilité. Ils démontrent aussi l'indignation face à l'incompétence de l'État pour remplir son rôle garant du développement et du bien-être de sa population. Et une condamnation de ce crime odieux qui pourrait éventuellement être considéré par la justice comme féminicide institutionnel du fait de la négligence de la part des agents de l'État. Et donc dans les exigences de ce communiqué, on retrouve par exemple celle de justice totale, qu'une enquête exhaustive soit immédiatement menée, que des responsabilités pénales et administratives en soient déduites, qu'une plainte déposée et un jugement soit exécuté afin que les responsables de ces terribles événements soient sanctionnés. Et aussi, ceci implique une restructuration du système de protection de l'enfance. Et en fait, dans ce communiqué, on fait appel au procureur général de la Nation pour qu'il puisse jouer son rôle en tant que gardien et garant des droits des enfants, aussi au Congrès de la République, à travers les commissions spécifiques, il audite le travail des autorités gouvernementales. Et enfin, au président Jimmy Morales et à son cabinet exécutif pour qu'il prenne au sérieux la gravité de la situation du pays en mettant en œuvre les politiques publiques existantes pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Et donc, en fait, ces 4 collectifs s'organisent déjà et il y a déjà des actions qui ont eu lieu à Paris, à Toulouse. Par exemple, hier, il y a eu un rassemblement ici à Paris, mais aussi à Toulouse. À Paris, c'était au Trocadéro. Donc, c'était un rassemblement pour exiger que justice soit faite pour ces filles. Et aussi aujourd'hui, ce communiqué qui fut signé par plusieurs associations et collectifs françaises, guatémaltèques, même belges. Et par exemple, nous-mêmes, on a co-signé ce communiqué. Et en fait, il a été rendu à l'ambassade du Guatemala ce matin, ce lundi 20 mars. Et j'en profite pour vous inviter parce que demain, le 21 mars, dans le cadre d'un rassemblement mondial, donc on a fait appel depuis le Guatemala de partout dans le monde de faire un rassemblement devant les ambassades du Guatemala. Donc demain, il y aura lieu ici à Paris à 18h devant l'ambassade qui est située aux 2 rues Villebois-Mareuil au 17e arrondissement. Donc il va y avoir un rassemblement pour exiger que justice soit faite pour ces 43 filles, mais aussi pour toutes les autres qui ont subi des abus tant sexuels, psychologiques, vraiment la traite, alors qu'elles venaient déjà de souffrir des abus, qu'elles étaient là pour se soigner. Donc c'est quelque chose de vraiment révoltant, d'indignant. Et enfin, si vous voulez aussi montrer votre solidarité pour le Guatemala, on vous invite à venir ce dimanche où les collectifs prendront la parole et il y aura aussi un moment de solidarité avec elle et avec ses filles, avec les étudiants d'Ayotzinapa pour ce nombre 43 qui est tellement déchirant. Et donc on vous invite ce dimanche, c'est à 15h, à la Fontaine des Innocents. Merci beaucoup. C'est un petit peu dur d'enchaîner là d'un coup en se disant bon ben oui quoi, tout à coup Ouais, voilà la question, même pas seulement du genre, en fait. Hein, du coup, ça va au-delà de la question du genre. Cette lutte des femmes à travers le monde, c'est qu'aujourd'hui, c'est au Mexique également, où on a commencé à en parler avec Ciudad Juárez il y a déjà plus de 10 ans, où il y avait eu des fosses avec des centaines de femmes. Et donc, oui, il y a une question à se poser. Et les apatistes également, je reviens souvent sur les apatistes parce que c'est un petit peu ce qui fait notre lien entre nous tous. C'est qu'effectivement, ils ont pris une dernière initiative, on en a déjà parlé, justement, de provoquer le système en proposant une candidature indépendante d'une femme indigène à l'élection présidentielle qui a lieu en 2018, et notamment non seulement parce que indigène, et on connaît le racisme encore prégnant dans ce pays et dans tous les autres, et ici aussi, et le fait que ce soit une femme, et donc une femme indigène de surcroît, qui puisse briguer le poste le plus haut, sachant que du point de vue des apatistes et des indigènes du Mexique et du continent en général, le rapport au pouvoir étant pas fondamental en tant que tel, la question c'est surtout de pouvoir préserver un mode propre et de défendre ses cultures et ses propres modes de fonctionnement qui fonctionnent justement de façon en général horizontale. Ce que nous, on a du mal à connaître. En tous les cas, les femmes, elles aussi, on en parlait tout à l'heure avec Nursel sur la question des femmes kurdes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la femme, elle a toujours eu besoin de se défendre parce que femme, et donc pas seulement parce que pauvre, pas seulement parce que du milieu rural, etc. Donc, tu vois, là, on est dans une société où, effectivement, la femme, elle a un combat à mener. Je pense qu'on croyait avoir peut-être avancé, gagné. Et en même temps, on voit une violence comme rarement connue dans des pays dits démocratiques. Puisque justement, Nursel nous rappelait le triple assassinat de 3 femmes à Paris, 3 femmes kurdes à Paris il y a quelques années. Et donc, parce que précisément, ce sont des leaders femmes. Bon, il y a parfois ces femmes-là qui... Tout le monde était violé dans ce foyer au Guatemala, apparemment, puisqu'il y avait aussi des garçons. Mais du coup, c'est ces femmes qui sont allées dénoncer et qui, finalement, se retrouvent enfermées sous prétexte peut-être d'être protégées. Du coup, il y a une initiative de groupes féministes, puisqu'au Guatemala, l'avortement est interdit... un groupe de femmes féministes qui a eu l'initiative de louer un bateau pour pouvoir faire des avortements en dehors du territoire et qui donc finalement a été arrêté en cours par la police, le gouvernement, les militaires, etc. Enfin, du coup, évidemment qu'il y a des situations dans lesquelles la femme est mise en danger parce que femme, quoi. Oui, d'où l'importance de parler d'une violence d'État. Parce que, par exemple, le fait qu'il y a de l'impunité lorsqu'une femme est tuée, ça fait qu'il y a une culture du féminicide. C'est, par exemple, le cas du Mexique, où on voit que 99% des cas de féminicide, il n'y a pas de justice, ils restent impunes. Et c'est ce qui fait une culture vraiment où les femmes n'ont pas le même droit que les hommes. Parce que si on tue une femme, il n'y a pas de conséquences. Donc, il faut vraiment porter la responsabilité de l'État et des institutions de rendre justice pour montrer que la vie des femmes vaut autant que la vie des hommes. Mais on va finir là-dessus. On va continuer avec juste les dernières petites infos en vous rappelant donc demain 21, si vous voulez soutenir... L'initiative Guatemala, c'est à 18h. C'est à 18h à l'ambassade du Guatemala, donc aux 2 rue Villebois-Mareuil au 17e. Place des Innocents dimanche le 26, donc en présence d'un parent, d'une mère en l'occurrence, d'un des étudiants disparus. On aura également l'occasion de vous inviter fin avril, puisqu'on aura aussi quelqu'un du Mexique qui viendra. On aura l'occasion de nouveau de parler d'Ayotzinapa, puisqu'il y a un livre qui sort en français. et qui sont des témoignages de personnes ayant vécu les événements d'Ayotzinapa, dit d'Ayotzinapa. Et donc, on aura l'occasion de vous inviter. N'oubliez pas donc l'exposition avec le 1er avril au DOC, et le 8 et le 9 notamment, donc au DOC dans le 19e. Bon, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci Sinaloa pour la technique, à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que le CSPCL, on vous retrouve à 20h30 en assemblée ouverte si vous le souhaitez, le 1er et 3e mercredi du mois, le 5e s'il y en a un, à 20h30 au 33 rue des Vignoles, métro Avron. Merci la jungle des luttes. On essaie de quitter le plateau assez vite pour laisser la place. Je crois qu'ils sont nombreux ce soir. Au micro, donc merci à vous. C'était la jungle des luttes, musique et générique. Salut. Bye.